Non, French. Ah, vas-y, Pépé, elle veut une chanson française. Alors vas-y, tu me la refais, celle-là, tu me dis qui c'est. Oula. De quoi, t'attends, de quoi tu parles, là, putain. J'ai rien compris. Oui. Tu veux pas trier, là. Tu m'as livré un peu en vrac, là, c'est... Oui, qu'est-ce que tu veux? C'était qui, ça? Ah, mais ce que je sentais, là, c'était Cœur de loup. Pas le temps de tout lui dire, pas le temps de tout lui plaire, juste assez pour tenter la satire qu'elle sent que je veux lui plaire. C'était Cœur de loup de Philippe Lafontaine. Ah oui, Cœur de loup. Donne-moi les... Attends, je veux les paroles. Je l'ai perdu, les paroles. Pas le temps de tout lui dire. Je te fais la Brassens plus doucement. Oui. Pas le temps de tout lui dire. Chante, joue, je chante. Pas le temps de tout lui plaire. Ouais, toi. Juste assez pour tenter la satire qu'elle sente que je veux lui plaire. Sous le pli de l'emballage, la lubie de faux filet. La folie de rester sage si elle veut de ne pas l'embrasser. Quand d'un coup d'elle se déplume, mon œil elle lui fait de l'œil. Même l'une sous la lune ne me fait pas peur pourvu qu'elle veuille. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter la vie qui m'est si belle et le crime est si gai. Pas besoin de beaucoup, mais pas de peu non plus. Par le biais d'un billet fou, lui faire savoir que je n'en peux plus. Du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans s'engager. C'est le cas du kamikaze, c'est l'ABC du condamné, le légionnaire qui veut l'avantage des voyages sans. Elle est si frêle, esquive sous mes bordées d'amour. Je suppose qu'elle suppose que je l'aimerai toujours. Le doigt sur l'aventure, le pied dans terre. Même si l'affaire n'est pas sûre, ne pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. La victime est si belle et le crime est si gai. Même si l'affaire n'est pas sûre, je ne peux pas s'enfuir, ne pas s'en faire. Je n'ai qu'une seule envie, me laisser tenter. Victime est si belle et le crime est si gai. Heureusement qu'ils nous écoutent pas, ils nous tuent. Bon, c'est ta faute tout ça. Hein. On n'a pas fini la chanson. Qui? Il y a deux filles qui écoutent. I'm just a poor boy. My story's seldom told. I've squandered my resistance for a pocket full of madness, such I promises. All lies and jest, Steal the man, hear what you want to hear and disregard the rest. When I left my home and my family, I was no more than a boy in the company of strangers, in the cave of the railroad station, so scary. Laying alone, seeking out the poorer quarter, when ragged people go looking for the place only they will know. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. Only walk my way, I come looking for a job, but I gain offer just of coming from the wall of sin to you. I do declare there were times when I was so lonesome I took some comfort there. Now the wheels are rolling by me, they are rocking evenly. I'm holders and he owns well, same the yogans and he'll be that modern as well. No, it's not strange, after change, upon change, we are more or less the same. After change, we are more or less the same. Lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie, lie. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La mouche, elle n'est pas morte. Non, non, moi j'élève des caméléons et ça va, j'ai pas de mouche. Non, il n'y a pas de mouche chez nous. Caméléon, iguane, et puis en plus je quitte les chaussures, alors c'est fini, elle meurt. Alors vous avez un grand bravo des filles. Et t'as qu'à te laver, t'auras pas de mouche. Quoi? Non, moi c'est l'inverse, je quitte les pompes, elle crève. Quel numéro de téléphone? Zarbo, fais gaffe, elle a convoqué un hospice. Pause cigarette. Shit, I don't Tu leur as dit que le vieillard qui chantait, c'était en direct de la maison de retraite ? Bouge pas, je le note. Ferme la bouche, tu vas avaler la mouche. Yo, no, no, no. night time. Oh, you're right. I can't. You're pregnant plenty as a boo. You wouldn't be wondering from dawn to dawn. Une enceinte parce que le trou du cul ça fait pas feedback. People listening to the concert. Come on, let's go, do something good. Don't stop. Parce que le trou du cul ça fait pas feedback. Oh shit. Yeah, feedback. Yes, come on, M. Lock your feedback because I can hear myself. Ah, je t'appelle. Oui, tu t'appelles. Ok. Oh, his name is Ok. Ben, tu joues pas Ben Zarbo, fais péter un truc. Et Pépé Folk. Stop. It's crazy to call you. Can you change your nickname, please? Mais qui est-elle? Il n'y a que des mecs là. And can you do something for the setting? Because. Ah, il est parti. Oups, parti. Ok, attends. Let me. Mais ici, il y a Maggie. Hello, sugar crushed. You change. Non, I'm using. Allez, Maggie, c'est no excuse. Come on, play. Attends, je vais vous envoyer. Je fais un copy-paste.